confrontation in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween Town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants everyone. Salut à tous et toutes, la tribu, bienvenue dans la 130e Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, salut la tribu, c'est Spike et je suis ravi de vous retrouver pour cette 130e Vampire Freaks, toujours pareil dans cette quatrième saison qui commence très fort. Je tenais à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à me suivre la semaine dernière. Cette semaine, alors plein de nouveautés, du son culte, plein de bonnes choses. On commencera tout de suite, puisqu'on est chez les vampires, avec Vampire in the Church de Este Madness. C'est une nouveauté. Ils sont de l'Arizona aux USA et leur album va bientôt sortir. Des nouvelles très vite. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et merci à eux de m'avoir contacté. On écoutera ensuite She Says de Hangover. C'est sur l'album Comeback sorti en 2017. On retrouve The Same, Drain et I'm Sure. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Sweetest Name de The Congo, c'est sur l'album Image of Africa sorti en 1979. On retrouve Only Jano, He is the King et Stay Alive du son d'anthologie. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Walking in the Sun, le nouveau Fallout. Ils sont québécois, c'est de la hoï. L'album, enfin c'est un EP qui s'appelle Raise Your Flag and Other Anthems. C'est un EP 4 titres sorti en 2018. On retrouve Red Light Union, Walking the Sun, Raise Your Flag et Wedge Slave. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp et YouTube. Et on finira ce bloc en live avec What Do You Know About Love de Lita Ford. C'est sur l'album Dangerous Curves, son cinquième album sorti le 12 novembre 1991. On retrouve Shot of Poison, Black Widow et The Little Black Spider. Can't see from the inside, eating away till devises mass defeat. Force the church into court by turning devils into priests. Don't look back now, there's vampires in the church. Don't look back now, there's vampires in the church. You'd better run now for all your worth. Don't look back now, there's vampires in the church. We'll be right back.

Vous êtes toujours dans la 130e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Vampires in the Church, de nouveau Este Madness, She Says de Hangover, Sweetest Name de The Congos, Walking in the Sun de le nouveau Fallout. Allez sur les pages Facebook de Este Madness et Fallout. Et on a fini ce bloc avec What Do You Know About Love de Lita Ford en live. On continuera cette émission avec une nouveauté, Elephant Killers, c'est le nouveau Tuka Tukas. C'est sur leur album Red Blood, sorti en 2018. On retrouve Red Blood, Dead Fish et de Last, entre autres. Ils sont réunionnais et ils font du punk. On les retrouve sur Facebook, Reverb Nation et YouTube. On continuera avec un petit morceau sympathique aussi, Spear and Magic Helmet de Gitz. C'était aussi le titre de cette EP, deux titres, sorti le 6 octobre 1991. On retrouve Spear and Magic Helmet et Twisting Breathing, des fondateurs du mouvement grunge. On écoutera ensuite The Lazy Boys, c'est le nouveau de Dakens, c'est sur l'album Pizza, Alcohols, Comics and Music, sorti en 2018. On retrouve Break the Code, Mary Jane et Lost in Lies. On les retrouve sur Facebook, SoundCloud et YouTube. On écoutera ensuite Fu Manchu de Desmond Dekker, c'est sur son album The Best Of, sorti en 2006 chez Trojan Records. On retrouve It Pays, Mother Nature, Sing A Little Song, un classique. Et sur le best-of, il y a 40 titres. Et on finira ce bloc en live, avec Phobia de Creator. C'est sur leur album Outcast, leur 8e album, sorti le 22 juillet 1997. On retrouve Leave the World Behind, Black Sunrise et Alive Again. Oh, L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. No sense at all. Qu'est-ce que c'est bon ce gros gratitage. Vous êtes toujours dans la 130e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Elephant Killer, le nouveau Tuka Tukas. Allez sur la page Facebook de Tuka Tukas. On a eu ensuite Spear and Magic Helmet de Gitz. On a eu ensuite Lazy Boys, le nouveau Dekens. On a eu ensuite Fu Manchu de Desmond Dekker et on a fini ce bloc en live avec Phobia de Creator. On continuera cette émission avec une nouveauté, c'est Dead Is Gone Mad, le nouveau plomb. C'est le single d'un album à sortir le 21 septembre 2018. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube. Vivement la sortie de l'album, moi je les adore, j'ai hâte de vous les faire découvrir. On écoutera ensuite If Mir de Rammstein, c'est sur l'album Rosenrot, sorti en 2006. On retrouve Benzine, Vous Bisdou et Te Quiero Pou. Puta, un classique de chez classique. On écoutera ensuite Love Moves, de nouveau JPL. C'est un album qui est en cours de réédition, des nouvelles très vite. On écoutera ensuite Trop Bien, le nouveau Nawak. C'est leur premier album Trop Bien, mais trop court, sorti en juin 2018. On retrouve Trop Bien, TikTok et Mise en Bière. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live et en reggae et en culte avec Stay With The Redeem de Steel Pulse. C'est sur l'album Rastafari Centennial, sorti en 1992. On retrouve Roller Skate, Taxi Driver et Gang War faire du son reggae culte. Die Jacke brennt, es leuchtet weit. es brennt die Hand, es brennt das Haar. Ich brenn am ganzen Leib sogar. Immer wenn ich einsam bin, zieht es mich zum Feuer hin. Warum ist die Sonne rund? Warum werd ich nicht gesund? Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Vampire Freaks, ça arrache. Ce moment de partage avec vous, mes amis, est magique. Plein de grands classiques, très bons sons maison. Vampire Freaks, ça arrache. Mais trop court, trop bien, mais vraiment trop court. Passant son chemin, évitant les détours. La vie est faite de petits riens après lesquels on court. Trop bien, trop bien, mais trop court. Trop bien, mais vraiment trop court. Passant son chemin, évitant les détours. La vie est faite de petits riens après lesquels on court. Qui n'a jamais rêvé d'avoir le pouvoir d'arrêter le temps. Faire que l'instant présent dure indéfiniment. Les occasions ne manquent pas et se présentent à nous tous les jours. On a tous en tête des tranches de vie où c'est trop bien mais trop court. Échanger un sourire avec une jolie fille dans la rue. Se retourner et voir qu'elle a disparu. Petit moment de bonheur éphémère. Comme quand tu viens d'emballer juste avant de pégère. Te remémorer la première fois que tu as fait l'amour. Tu t'es dit c'est trop bien, elle s'est dit c'est trop court. Tout un tas de petits plaisirs fugaces. Comme de me dire que mon repos sera mon épitaphe. Sorti teuf, les keufs arrêtent la voiture d'après. Mais ils ont fait deux barrages, les enculés. Un concert qui finit trop bien par un slam au salto arrière. Pour retomber en plein sur les barrières. Quand les pompiers arrivent à temps pour ton AVC. Quand ta caissière est la plus mignonne de tout le supermarché. Quand dans la rue, on te prend pour une star de ciné. Même s'il s'agit d'un salaud de série B. Trop bien, trop bien mais trop court. Trop bien mais vraiment trop court. Passant son chemin, évitant les détours. La vie est faite de petits riens après lesquels on court. Trop bien mais trop court. Trop bien mais vraiment trop court. Passant son chemin, évitant les détours. La vie est faite de petits riens après lesquels on court. Le temps, lui, s'écoule toujours à la même vitesse. Seul notre ressenti varie selon la forme ou le stress. Et si les normes nous oppressent dans un canapé, on s'affaisse. Tombant dans les bras de Morphée, nous perçant le temps d'une sieste. En quelques secondes, partir à l'autre bout du monde. Mais le réveiller d'une rare violence. Les temps de repos sont toujours trop bien mais trop court. Un peu comme les vacances, attendues avec impatience depuis l'enfance. Telle une renaissance où l'on peut vivre nos extravagances. Comme devenir le Usain Bolt de la cuite. Et s'envoyer 100 mètres de shooter en 9,58. Profiter d'un happy hour dans un bar ou ailleurs. Quelques minutes de bonheur. Faire taire la bite qui te fait chier depuis des heures. Les mots en guise du percute, mettre KO même les boxeurs. Sauter en parachute sans foutre pour atterrir dans un couvent. Être le god de ces dames priant la verge depuis longtemps. Vivre ses rêves et ne pas rêver sa vie. Le plaisir est toujours bien plus court que l'ennui. Mais trop court, trop bien, mais vraiment trop court. Passant son chemin, évitant les détours. La vie est faite de petits riens après lesquels on court. Trop bien, mais trop court. Trop bien, mais vraiment trop court. Passant son chemin, évitant les détours. La vie est faite de petits riens après lesquels on court. Sweet reggae music, make yourself fit. Hey, hey, rock with the beat. vibe, don't disturb it. Move with the beat and groove with it. What we gonna say till we vibe it? Stay with the rhythm, don't quit. We've got goals and aspirations. We've got hopes and we've got fears. Your ticket. Don't hang around or you will miss it. This is the piece of the whole world of it. Sweet reggae music, make use of it. Hey, hey, rock with the vibe, don't disturb it. Move with the beat and groove with it. Bump it and I say till we vibe it. Stay with the rhythm. Your ticket. Don't hang around or you will miss it. This is the king sound, whole world love it. Sweet reggae music, make use of it. Hey, hey, rock with the vibe, don't disturb it. Move with the beat and groove with it. Bubble and settle, be vibe it. Stay with the rhythm, don't quit. Pick up your bags and get your ticket. Don't hang around or you will miss it. This is the king sound, whole world love it. Sweet reggae music, make use of it. Hey, hey, rock with the vibe, don't disturb it. Move with the beat and groove with it. Bump it and settle, be vibe it. Stay with the rhythm, don't quit. Stay with the rhythm, don't quit. Stay with the rhythm, don't quit. Stay with the rhythm. Vous êtes toujours dans la 130e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Daddy's Gone Mad de Plomb, le nouveau Plomb, If Mir de Rammstein, Love Move de JPL, Trop Bien de Nawak, Stay With The Redeem en live de Steel Pulse. On continuera avec une nouveauté, je dirais même une exclusivité, c'est Betrayed Again de Monolith. C'est sur l'album A Better End, A Brave New World, qui sortira le 27 septembre 2018. On retrouve Diego Disaster, Nothing Left, Nothing Right et Reawake. Ils sont excellents, on reparlera d'eux du moins dans 15 jours dans la spéciale Ellie Promotion. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera une autre nouveauté, Across the Stars, le nouveau Over Nemesis. C'est sur l'album Wings qui sortira aussi le 25 septembre prochain. On retrouve Sandball, These Men et Light of Ops. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Casnewaid Back. Le nouveau Black Bar, c'est aussi le titre de leur premier album qui est sorti le 20 août dernier. On retrouve Cyclone, Headbangers of the World et Les Masques Tombent. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On continuera avec Massilia Sound System et Parlar Fort. C'est sur l'album Massilia sorti en 2016. On retrouve Toi MC sur la version Massilia Number 1 et Pourquoi je morfle. Les papés du Sound System français, on les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp, enfin ils sont partout. C'est des envahisseurs. Et on finira ce bloc en live avec Massisterien, c'est le live à l'Olympia sorti le 30 septembre 2013. On retrouve Positif à bloc, Donnez-vous la peine, Contradiction, enfin tous les classiques de Massisteria quoi. Satan, not me. Blood that's just so pure as this one waste. Yeah. Yeah. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. C'est trop bon, mais c'est bien plus difficile. On t'en met Omega, 10 gigas, 100 tera. Tu en auras pour des années à écouter tout cela. Si tu es connecté, je te dis ne cherche pas. Tu trouveras tous les liens sur le site du Massilia. Mandolou, reading, de Goluka, Mission, tout est in looting. Pas besoin de Darty, la machine est partie, c'est le feu dans la partie. Crame Lupinta, scoucha les Marias, tu es no Milo Soulas. Ton sourire est le mien, ça resserre les liens. Comme c'est bien. Sans soleil tyran, sans soleil cagan, sous que crève la fin. Du bonheur et basta, faut foncer dans le tas, envoie ça mon selecta. Tu veux du reggae, tu veux du reggae, on en a tout un stock. Tu veux du reggae, tu veux du reggae, on en a tout un stock. Furieux. Dans toutes les directions, perdurant dedans, se mettre dans le rouge, avons-nous le choix vraiment? Pour moi, seul le peuple d'en bas est grand, car c'est pour l'éternité qu'il répond présent. J'ai des nouvelles du ciel, j'ai des nouvelles du ciel en ADSL. Plongé dans le mystère vital. Bien sur terre, le paradis c'est l'enfer sidéral. C'est vrai, il y a des efforts à faire, des choses à ne plus dire. Supprimons la télé, la religion, et regardons si c'est pire. J'ai des nouvelles du ciel en ADSL. ADSL, ADSL, j'ai des nouvelles du ciel. Il paraît que tout fout le camp et qu'il n'y a plus de saison, et que c'était mieux avant. Qui a tort, qui a raison? J'ai des nouvelles du ciel, ADSL. Je veux des nouvelles du ciel. Il paraît que tout fout le camp, qu'il n'y a plus de saison, et que c'était mieux avant. Qui a tort, qui a raison? J'ai des nouvelles du ciel en ADSL. Je veux des nouvelles du ciel en ADSL. ADSL, ADSL. Je veux des nouvelles du ciel. Merci ma Sisteria, vous êtes toujours dans la 130e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Betrayed Again, le nouveau Monolithe en exclusivité. On a eu ensuite Across the Stars, le nouveau Over Nemesis. On a eu Casnevin Back, le nouveau Black Bart. Alors pour ces trois groupes, Monolithe, Over Nemesis et Black Bart, allez sur les plateformes, allez sur leur page YouTube, allez écouter et découvrir leurs morceaux, ils sont vraiment excellents. On a eu ensuite Parlar Fort de Massilation System et on a fini ce bloc en live avec des nouvelles du ciel de Massisteria. J'ai envie de live cette semaine, je suis happy. On continuera avec Leap Up Fatty en live de Bad Manners, c'est sur l'album Scan B, sorti en avril 1981. On retrouve Here Comes the Major, Woolly Bully et Special Boo du bon vieux Scalé Famille. On écoutera ensuite une nouveauté, Blanche Neige de Nina et les Fils 2, c'est sur leur EP, 4 titres, EP1, sorti en 2017. On retrouve We Are Legion, Station Nation, Blanche Neige, Tant Pis, Péter les Plombs et On Se Méfie. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite My Choice Is My Life, le nouveau Happy Fist. C'est un EP, 6 titres, c'est aussi le titre de cet EP, qui est sorti en avril 2018. Ils sont de Marseille. On retrouve Forever Blue, Never Give Up et Massilia SC. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On continuera avec un petit reggae sympathique, Make Up Stories de Mathieu McAneuf. C'est sur l'album Be Careful, sorti en 2013. On retrouve Jabless, A Little Way Different et Be Careful. Et on finira ce bloc en live avec Let It Roll de UFO. C'est sur l'album Force It, leur quatrième album, sorti en juillet 1975. On retrouve Harry Flyer, Mother Mary et Million Mal du son culte. Party reggae, trumpets. Entre deux eaux, entre deux rêves, dans la marge, entre parenthèses. Sur une voie de garage plantée là, dans un coin du grenier. Affaire qui traîne, affaire classée, même pas soldée. Entre deux eaux, entre deux rêves, dans la marge, entre parenthèses. Je m'appelle Blanche-Neige, je suis Blanche-Neige. Je suis un personnage de fiction. Une et multiple à ma condition. Chaque jour je m'allonge sur le sol, trace autour de moi des contours, espérant que quelqu'un vienne à mon secours. Tout ça pour qui? Tout ça pour quoi? Pour le regard d'un prince. J'aimerais que tout cela finisse, que Blanche-Neige en finisse. Entraînée sur ma propre main. Qui veut essayer? Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Off of the Fawcett album, and it's something called Let It Rule. Love for race, shop and we don't qu'est-ce que c'est bien UFO en live. On vient de s'écouter Leap Up Fatty en live de Bad Manners, Blanche-Neige, le nouveau Nina et les fils de... On a écouté ensuite My Sauce, My Life, le nouveau Happy Feast. On a eu ensuite Make Up Story de Matthew McAneuf. Et on a fini ce bloc en live avec Let It Roll de UFO. Cette 150e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook Vampire Freaks, l'émission radio. Si vous êtes un groupe, si vous souhaitez le diffuser, contactez-moi via la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Bien entendu, on la retrouvera sur toutes vos radios favorites, Fashing Web Radio, Trafic de Rock, Arden Café, Allo Kazik, qui c'est que j'oublie encore, et voilà. Sur toutes, et on finira donc cette émission avec la, et bien sûr sur archive.org, on finira cette émission avec La Gloire de mon père de Vladimir Kosma. C'est la bande originale du film de ce magnifique film d'Yves Robert. Sur ce, à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et toutes, la tribu !